Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. On continue l'étude de هذه الرسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان de الشيخ السعدي رحمه الله. Et dans le premier cours, on a lu المقدمة, l'introduction. Et dans ce premier chapitre, il a cité رحمه الله تعالى حد الإيمان وتفسير. الحد هنا بمعنى التعريف, أي une définition de la foi et التفسير, أي une explication. قال حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميز عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. Et ça, c'est une faïda pour tous les livres que tu étudieras, toutes les matières que tu comptes étudier, belle, toutes les masaïl, tous les points que tu veux comprendre. Et avant d'essayer de comprendre un sujet, avant de vouloir étudier un sujet, encore plus avant de rentrer dans les détails, tu dois saisir, tu dois avoir une définition, un had, comprendre la définition du mot que tu veux étudier. Avant de rentrer dans les détails, la foi elle monte, elle descend, etc. Comprendre l'égarement de ceux qui se sont égarés, comprendre les fruits de hadal iman. On doit se mettre d'accord, on doit comprendre c'est quoi l'iman. Falihada al-ulama qalu al-hukm ala al-shay far'un. Si tu veux comprendre une chose et pouvoir sortir un jugement d'une chose précise, est-ce que cette chose c'est halal ou c'est haram, est-ce que cette chose c'est permis, c'est pas permis, c'est une innovation ou pas, etc. Avant de connaître le hukm, tu dois comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que il se précipite à cause de l'ignorance. Et Obama, à cause d'un problème dans la langue arabe, à cause de la précipitation, à cause d'autres choses, ils pensent que telle chose, le hukm, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la chose elle-même. Falihada, quand tu leur expliques cette chose, un al-mas'ala, c'est comme ça. Thumma, tu cites les preuves min al-Qur'an ou min al-Sunnah par rapport à cette mas'ala. Comment ils arrivent à comprendre le hukm? Ça nous montre, ya ikhwan, l'importance de al-manhajiyya fil ilm pour comprendre al-masa'il. Tu peux pas étudier pour comprendre les choses comme tu veux. Là, il y a des étapes à respecter. Kadhalik, hada, ça nous montre l'importance de la langue arabe. Vous avez remarqué que ahyanan ba'd an-nas ils se trompent, ils commettent des erreurs, bal ba'dhum iyadan billah ils se sont égarés. Pourquoi? À cause de faiblesse dans la langue arabe. Bel l'égarement qui s'est passé à l'époque après la période des salaf ou pendant la période quand certains ils se sont égarés. Fal ulama ici tana la cause c'était kutub al-ajam ou kutub al-a'ajim. Et ba'd an-nas ils sont rentrés vidinillah, ils ont commencé à parler vidinillah alors qu'ils avaient des faiblesses dans la langue arabe et ils ont mal compris les textes et ça a poussé à l'égarement. Amma maîtriser la langue arabe. Pourquoi? لأن هذه الحدود هذه الضوابط والتعاريف que les ulama ici. Et Cheikh Saadi a fait cette remarque avant de citer la définition de l'iman. Tout ça c'est basé sur la langue arabe. Wa illa fal ba'd ils comprennent mal une chose et ils la traduisent et ça pousse à l'égarement. Et à cause de l'ignorance, à cause d'une mauvaise intention. C'est de faire des efforts pour comprendre la langue arabe, pour comprendre les mots en langue arabe, pour comprendre Al-Masail avec la parole des savants de la Sunna, qui est fondée sur le Coran ou la Sunna. Wa bihada yahsul khayr kathir. On répète, فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره. C'est pour ça qu'on ne doit pas se précipiter. Citer des ahkams, se précipiter alors qu'on n'a même pas compris le sujet. Ça arrive dans les questions. واحد quelqu'un lui pose une question et il se précipite et donne une réponse qui n'a rien à voir avec la question. Pourquoi? Il n'a pas compris la question. Et pour donner une réponse authentique, enfin, il faut comprendre la question. Dans les domaines, même hors des questions, notre sujet sur l'iman ou des sujets dans le fiqh ou autre, comprendre al-masa'il. Et pour comprendre al-masa'il, ta'ammal qawlahu. Rahimahullah, faman hakama ala amri min al-umur qabla an yuhit ilmuhu bi tafsir. Ça demande du temps. Ça demande du temps. On va se précipiter. Le mas'ala n'est même pas fini. La question n'est même pas finie. La page, elle n'est même pas encore terminée. Et il se précipite à s'avancer. Alors que al-kalam, il a besoin encore d'être précisé. Qala rahimahullah, wa yatasawwarahu tasawwuran yumayyizuhu an ghayrihi akhta'a khata'an fahishan. Ça, c'est une grave erreur. L'imam, il y en a cette erreur. Si c'est matalan wahid, il comprend mal le mot iman. La définition de la foi, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la base de notre dîn. La foi, c'est les fondements de notre religion. Iman billahu malaikatihi, etc. Enfin, celui qui comprend mal هذا l'iman, enfin, ça va avoir un impact sur son dîn, sur sa vie, belle sur son au-delà. Enfin, on doit prendre du temps. Et autre chose, on a cité la langue arabe, laquine on doit ajouter qu'elle est comprendre. C'est masa'il, surtout bien sûr quand on parle de din, comprendre ces masa'il avec fahm as-salaf. La langue arabe, bien sûr avoir des preuves, mais le Coran, mais la sunnah, et tout ça selon la compréhension des salaf. Les an-nalba'd, ils s'avancent dans des choses, et ils comprennent la langue arabe, lakin ils contredisent la voix des salaf, et ils s'égarent. Enfin, dinouna, al-hanif, il est fondé sur des fondements clairs. Sur une voie wadiha, layluha ka nahariha. Donc, cette voie, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Rakizu ala hadha al-kalam. Ce kalam qu'il a cité au départ, قوله حدود الأشياء إلى قوله خطأ أخطأ خطأ فاحشا هذه c'est une base qu'on ne doit pas oublier dans tous les ulum. Comprendre la définition des mots, comment salaf ils ont compris cette chose. Donc avec cette compréhension tu arriveras à comprendre l'adilla, et si tu as compris tu pourras mettre en pratique. Wa illa celui qui comprend l'iman comme ils l'ont compris le murji'a, c'est très très grave. Mais malouk, si wahid il comprend an l'iman c'est dans le cœur faqat. هكذا بعض أهل الضلال يقولون الإيمان في القلب. بعضهم يضيف قول une parole. Ça suffit. أي tu crois et tu dis أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ça suffit. ما بالك si un مسلم pense que c'est ça l'Iman. Il va dire أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Et ربما il va faire جميع المنكرات. Et pour lui ça ne contredira pas l'Iman. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise base. فلهذا avoir cette base au départ qui est fondé sur l'adilla et sur la voie des salaf, ça sera très très bénéfique pour al-mu'min. Qala rahimahullah, amma haddu al-iman wa tafsiruhu fa huwa at-tasdiq al-jazim wa al-i'tiraf at-tam bi jami' ma amara Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bil-iman bih wa al-inqiyad zahiran wa batina. Al-iman c'est at-tasdiq al-jazim wa al-i'tiraf at-tam, c'est avoir cette conviction, cette croyance dans le cœur qui est fondée sur al-yaqin, la certitude. Il n'y a pas de place pour les doutes. Al-mu'min doit être sûr et doit croire, avoir la conviction de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit avoir la foi, il doit croire que c'est la vérité. Qal wal-inqiyad zahiran wa batina. Avec hada al-tasdiq wal-i'tiraf wal-iman al-jazim, cette conviction, cette foi, cette certitude dans le cœur, كذلك, on doit se soumettre. ظاهرًا وباطنًا. Et on doit se soumettre à notre cœur, il doit se soumettre et nos membres. قال رحمه الله فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. Donc, l'iman, c'est une croyance dans le cœur. Tu as la conviction que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a informé, c'est la vérité. Ce qu'il nous a ordonné, c'est la vérité. Wa hakada son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ton cœur, il doit se soumettre. لهذا الحق يدوى أكسبتي وهكذا طالونغ تي مومبر. قال المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن وذلك الشامل للقيم بالدين كله. هذا سانغلوب طول الدين. C'est pour ça que l'iman, quand il est cité seul, s'englobe l'islam. L'iman, quand il est cité seul, s'englobe أعمال القلوب. S'englobe la croyance dans le cœur. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, etc. Et كذلك s'englobe le fait de prononcer la shahada, d'accomplir la salat, de sortir la zakat, de jeûner, de faire le hajj, d'obéir à ses parents, d'avoir un bon comportement, etc. S'englobe tout le din. فالإيمان قال ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. C'est pour ça que السلف وهذا سبيل إجماع. C'est l'unanimité des salaf. La yajouz de délaisser هذا الحد حد الإيمان هذا التعريف cette définition de l'Iman pour la parole de quiconque. كائنا من كان. لماذا لأن السلف أجمعوا على هذا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. Et tu ajoutes يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما سيأتي. Donc l'Iman c'est une croyance dans le cœur. C'est des paroles avec la langue et c'est des actes avec les membres. قال وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا سان تعريف شامل et ça résume tout ce qu'on vient de voir. قول وعمل واعتقاد. Donc ça c'est la foi, des paroles avec la langue, on répète, croyance dans le cœur et des œuvres avec les membres. يزيد بالطاعة. هذا الإيمان il augmente avec les bonnes actions. وينقص بالمعصية. Et cette foi elle diminue à cause des péchés. قال فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. Donc ça englobe les croyances, les bons comportements et bien sûr les actions. من يعتقد هذا, on n'a pas le droit d'exagérer et de l'accuser de منحرف, de مرجف الإيمان كما يفعل البعض. On n'a pas le droit à هذا. الإنصاف c'est مهم. Celui qui dit الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهذا خرج قد خرج من الإرجاء كما قال فيما أذكر الإمام البربهاري أو غيره من أئمة السنة. لماذا؟ لأنه في غانا أهل الضلال إما إذن في سرطيغ العمل من الإيمان إما يديز الإيمان لا يزيد ولا ينقص إما انحرفك الخوارج يديز سي تفعل غران بيشي الإيمان بغوي دي سنبا سي تفعل غران بيشي tu perds complètement la foi. Ça nous montre que man qal an al iman qawl wa amal wa i'tiqad yazid wa yanqus. Hada alhamdulillah li ala aqidat al salaf fi hada al bab. Qala rahimahullah fal iqrar wal i'tiraf bima lillah ta'ala min al asma al husna. Thumma il a cité plusieurs points huna pour c'est comme des exemples an telle chose ça fait partie de la foi. Il a cité des usul importants, des fondements dans l'iman. Le premier point, قال في الإقرار والإعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. Ça, ça fait partie des fondements de la foi. بل, c'est le fondement le plus important. الإيمان بأسماء الله وصفاته عز وجل. Et كذلك الإيمان بأفعاله. فمثلا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى c'est الخالق. On a cette conviction. On a cette conviction أن الله سبحانه وتعالى c'est الخالق. C'est le créateur. ومن صفاته عز وجل أنه يخلق. الخلق. أنه لا cet attribut. نعم ومن أفعاله الناشئة عن هذا الاسم وهذه الصفة أنه يخلق. أنه يكخى سكيل بيكون فيكون. هذا من أعظم أصول الإيمان. قال وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. كذلك هذا من أعظم الأصول. معنى لا إله إلا الله. On a la conviction أن personne ne mérite التأله والتعبد أي l'adoration excepté Allah. Ça c'est من الإيمان. Avoir cette croyance Et cette croyance, elle doit nous pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, à nous écarter du shirk. Vous avez vu le lien entre ces exemples qu'il a cités, rahimahullah, et le ta'rif, la définition précédente. Parce que si, maintenant, on prend هذا المثال, on répète l'i'tiraf bima lillah min al-huquq al-khassa, et reconnaître et avoir la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des huquq. Et min a'lam al-huquq, c'est at-ta'allu wa at-ta'abbud, comme a dit le hadith Mu'adh radiyallahu anhu. Ma haqqullah ala al-ibad, qala Allah wa rasuluhu alam, qala sallallahu alayhi wa sallam, haqqullah ala al-ibad an ta'abuduh wa la tushriku bihi shay'a. Ça, c'est un haqq azim, et ça fait partie de l'iman. Si on l'applique sur at-ta'rif, donc on va avoir la conviction, al-yaqin, avoir aucun doute, anna celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. Donc on rejette l'adoration des chrétiens qui adorent Isa alayhi salatu salam, des mushrikoun qui adorent des morts, des awliya comme ils les appellent, ceux qui adorent des arbres, des pierres. Muhim, na'taqid annahum ils sont à la batil. Et anna Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Ça c'est dans le cœur. Que d'aller qu'on prononce ça. C'est pour ça que min arkan al-islam, ben c'est a'zamu al-arkan, qawl al-shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Et tu témoignes annahu la yastahiqu al-ibada illa Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Avec la langue. Et كذلك avec les membres, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Amma celui مثلا qui invoque autre qu'Allah, il annule son iman. لماذا لانه contredit هذا الاصل. Wa an al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. هكذا قال جل وعلا. ثم قال والاعتراف بما اخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر كل هذا من أصول الإيمان. نعم تسكو الله سبحانه وتعالى إلى السيتي في كتابه الكريم concernant الملائكة les anges أو concernant le jour dernier concernant la tombe concernant le paradis concernant l'enfer concernant le jour des comptes toutes ces choses pour nous ça fait partie de l'invisible فالمؤمن يكروه en ces choses لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كذلك ذكرها. Donc, من أصول الإيمان, c'est d'avoir cette croyance. قال وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة كل هذا من أصول الإيمان. نعم, tout ça, ça fait partie de أصول الإيمان. كذلك, il a cité à la fin الإيمان بجميع الرسل. أي, ceux qu'on connaît par leur nom. فنؤمن بهم أي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم البروفيت موسى عيسى إبراهيم آدم etc عليهم الصلاة والسلام أجمعين et ceux dont on ignore le nom فنؤمن بهم إجمال كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت فشاك أمة لا رسول un message et on a cette conviction فهذه الأصول الله سبحانه وتعالى les a cités في القرآن الكريم فلهذا أيها المؤمن tu dois avoir aucun doute c'est la base de ton din si tu es قوي et tu fais des efforts dans ces fondements فبإذن الله عز وجل tu seras قوي dans tout le reste كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله dans notre corps on a une partie un morceau de chair si il est bon ce morceau de chair, il peut être bon qu'avec l'iman. Tout le reste sera bon. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. انظروا الله سبحانه وتعالى إلى سيد البر. C'est quoi le bien? من آمن بالله. أي أصل الأصول. Le premier fondement, le plus important, la base. الإيمان بالله. C'est qui Allah? C'est quoi ces noms? C'est quoi ces attributs? Qu'est-ce que ces noms et ces attributs signifient? Aïn Allah subhanahu wa ta'ala. Tu apprends aqidat al-sunnah wal jama'a bi asma'ihi wa sifatihi. Qala walakin al-birra man amana billah wal yawm al-akhir wal mala'ika wa al-kitab wal nabiyyin. C'est ça, l'iman. L'iman, c'est fondement que Cheikh Sa'di rahimahullah il a cité هنا mathkura fi هذه الآية كذلك في حديث جبريل المشهور بحديث جبريل وإلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جبريل لي بوز لا كيسيون سور الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال رحمه الله كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله. هذا تقدم معنا le premier pilier de l'islam. Aïe, al-i'tiraf, reconnaître et avoir la conviction, avoir la foi, avoir l'iman, sans aucun doute, anna celui qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Hada, ça implique anna tous ceux qui sont adorés, min dounillahi azza wa jal, ou ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, fa ils sont adorés bi batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. وأن ما يدعون من دونه الباطل هكذا قال جل وعلا فالله سبحانه وتعالى il a adoré بحق لا إله إلا هو et toutes les créatures qui sont adorées même si cette créature a un haut rang même si cette créature c'est la meilleure des créatures même si c'est notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز. Pourquoi? لأن من الإيمان بل من أعظم أصول الإيمان c'est de reconnaître d'avoir la conviction أن celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Si on revient au kalam du début, vu que Bardenas, ils ont une explication de l'Iman erronée à la base. Bardenas, ils pensent que l'Iman, c'est une origine. Tes parents, c'est des croyants, c'est des musulmans. Encore plus s'ils sont d'origine de tel ou tel pays, un pays arabe. Pour eux, forcément, tu es un croyant. À cause de cette mauvaise compréhension au départ, tu trouves le bard, ils se prétendent mu'mini et ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Bikuli wudouh, ils ne se cachent même pas. Bel le bardouhum, ils se prétendent mu'minoun et ils incitent les autres à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Au nom de la shafa'a, au nom de l'intercession, au nom de. Ah, oula, ils n'ont pas compris c'est quoi l'iman. L'imada, les annahum, ils prétendent une chose. Al-Iman, la foi, et mettent en application son contraire. Al-Kufr wa shirk, bel, ils y appellent. Agrab min hada, An-Nalbaad, ils se disent mu'minoun, croyants, et ils ont un mauvais soupçon sur leurs frères croyants, et ils aiment les ennemis d'Allah, Azza wa Jal. Ceux qui combattent l'Iman. Bel, ils disent, c'est eux les croyants. Ils disent les chrétiens, les juifs, etc. C'est des croyants, c'est nos frères. Et As-Sunni, As-Salafi, qui s'accroche à son din, et le sunna, le salafiyoun, c'est eux, walillahi l'hamd, qui mettent le mieux en application, mais ta'allaq bil iman et tout ce qui vient avec l'iman, ils les accusent de telle et telle chose. Pourquoi? لأن la base, elle n'est pas comprise. قال رحمه الله وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة. Tout ça, ça fait partie des fondements de l'Iman. قال ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. C'est pour ça que le sujet, il est essentiel. Il est essentiel. Celui qui se consacre toute sa vie à apprendre l'Iman et les bases de l'Iman et les fondements de l'Iman, de la foi et كذلك pour mettre en application, pour profiter des fruits de هذا الإيمان ici-bas et dans l'au-delà, فهذا, il n'aura pas gaspillé sa vie, أبداً. Il n'aura pas perdu son temps, أبداً. بل هذا c'est المفلح, الموفق. Notre vie, nous, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça, يا إخوان. تأملوا قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. Et l'ibada, elle est fondée sur l'إيمان. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as la conviction qu'il mérite d'être adoré. Relis le verset une seconde fois l'un. Après cette analyse. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour ça. Que pour حَقَّقَ الْإِيمَانِ Que pour mettre en application cet iman. L'iman, c'est de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, un des fondements plutôt, c'est de reconnaître que Allah il mérite l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est le créateur, etc. Tous les fondements que Cheikh Saadi l'a cité, Rahimahullah, Allah il nous a créé que pour ça. Tout ce qu'on fait autre que ça, ça vient après. si on fait une chose, ça doit nous aider à nous améliorer dans ce point. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on a la foi qui mérite d'être adorée. Qala rahimahullah. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. Maintenant, en tant que mu'min, en tant que croyant, tu as cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le paradis et l'enfer. Le paradis pour récompenser ses awliya, ceux qui lui ont obéi, l'enfer pour châtier ses ennemis, ceux qui lui ont désobéi. On a tous cette foi en tant que mu'min. Enfin, pour faire partie de ceux qui ont réussi, qui rentreront fil jannah, ceux qui ont réussi, qui seront préservés du feu, le seul moyen, c'est l'iman. Dans le cœur, avec la langue et avec des actions. قال ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة. نعم. الرضوان, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الفلاح, la réussite. السعادة, le bonheur, c'est par rapport à ce iman. Vous avez remarqué qu'en aucun cas, dans les textes ou les savants, ils citent l'origine ou les connaissances ou tu viens de tel lieu. هذا لا ينفع. من بطأ به نسبه من بطأ به عمله لم ينفعه نسبه نعم من بطأ به نسبه فلم ينفعه نسبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي celui qui n'a pas هذا الإيمان avec tout ce que ça implique comme parole et comme mise en application enfin, ses origines ses parents ses ancêtres le lieu où il habite ça lui sera d'aucune utilité فالميزان c'est هذا الإيمان tu veux réussir. Tu veux être heureux. Tu veux que Allah soit satisfait de toi. Tu veux rentrer fil jannah dans l'au-delà. Tu ne veux pas être châtié ici-bas et dans l'au-delà. Haqqaq hadha al-iman. Que Cheikh Sa'di rahimahullah, il a expliqué dans hadha al-kitab. Qal wa la yakun dhalik illa bima dhakarna. La yakun dhalik illa bima dhakarna. Et tu veux réussir. Faire partie de ceux qui ont réussi, être sauvé. C'est qu'en appliquant ce que Cheikh Saadi vient de citer, ay tahqiq hadhihi al-usul, croire en Allah, croire aux anges, croire aux prophètes et aux messagers alayhi salatu wassalam, croire au jour du jugement, mettre en application adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, etc. Qala wa la yakun dhalik illa bima dhakarna min shumulihi lil aqaid wa a'mal al-qulub wa a'mal al-jawarih, li'annahu mata fata shay'un min dhalik hasala min an-naqs wa fawat al-thawab wa husul al-iqab bihasabihi. Ta réussite, c'est par rapport à ses fondements. Cette croyance qui est dans le cœur, ses paroles avec la langue et ses actions des membres. Thumma, par rapport au manquement dans ces trois points, l'insan, il est en danger. Sa foi, elle peut diminuer et peut être exposée au châtiment, si Allah y veut. Sa foi, elle peut complètement disparaître, matalan à cause d'un annulatif de la foi, matalan quelqu'un qui insulte Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui se prosterne pour une créature, etc. Quelqu'un qui ne croit pas en un prophète, quelqu'un qui ne croit pas en un verset du Coran, quelqu'un qui rejette un hukm parmi les hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette une adoration, quelque chose de clair. Enfin, ça annule l'islam, ça annule son iman. قال بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق الإيمان المطلق أي الكامل. العلماء يقولون مطلق الإيمان أي أصل الإيمان والإيمان المطلق أي الكامل لأن الإيمان et ça c'est un point important et on le verra dans cette risale إن شاء الله تعالى plus en détail هذا c'est très très important أن الإيمان المؤمنون ils sont pas tous au même niveau في هذا الإيمان rappelez-vous du تعريف c'est pour ça que هذا التعريف on doit tous le maîtriser et le connaître لأن chaque point de ce livre ça revient à ce تعريف. Vu que l'iman yazid wa yanqus, comme on a vu dans le ta'rif, la foi elle augmente, elle diminue. Donc, pour un croyant, elle peut augmenter, être très très élevée. Pour un autre, elle peut descendre, être très très faible. Les deux, c'est des croyants, là, qui ne sont pas au même niveau. فَلِهَذَا الْعُلَمَا يَقُلُونَ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ أَيْ الْكَامِلِ الْقَوِيِ. On répète l'un. بَلْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ تُنَالُ بِهِ أَرْفَعُ الْمَقَامَاتِ فِي الدُّنْيَا وَأَعْلَى الْمَنَازِلِ فِي الْآخِرَةِ. فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الإيمان المطلق أي الكامل القوي. En d'autres mots, celui qui fait beaucoup d'efforts dans son dîn pour apprendre son dîn, pour améliorer sa foi, il s'écarte des interdits, il fait tout pour mettre en application les obligations et les mustahabbat autant qu'il peut. فهذا لا شك أنه il a fait une énorme cause pour atteindre les hauts niveaux, les hauts degrés, le jour du jugement, يوم القيامة. والذين آمنوا بالله ورسله, j'avais lu ورسله, si j'avais lu ورسله, c'est une erreur. والذين آمنوا بالله ورسله, أولئك هم الصديقون. قالوا الصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité la catégorie la plus élevée fil iman, après les prophètes et les messagers. As-siddiqoun, il est véridique. Oulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité as-siddiqoun juste après l'anbiya war-rusul. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, la meilleure catégorie après les prophètes et les messagers. Wa afdhal as-siddiqoun, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Qala rahimahullah, وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة. Ça, ça nous montre أن تحقيق الإيمان, il y a différents degrés. Même dans l'Iman billah dans notre cœur, on n'est pas tous au même niveau. بعض الناس, ils citent souvent هذا dans là, la différence de l'Iman dans la mise en application. هذا لا شك فيه. لكن même في الإخلاص والصدق واليقين, on n'est pas tous au même niveau. فلهذا إيمان الصديقين والصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه son إيمان qu'il avait dans le cœur, c'est pas comme le إيمان de un d'entre nous. قال ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق أي في الدنيا. أهل الجنة أي dans l'au-delà, au paradis, لا يتراءون أهل الغرف في الجنة. أهل الجنة ils se verront, أي لماذا لأنهم ils seront dans différents degrés, حتى واحد يرى son frère au-dessus de lui comme في الدنيا أنت tu vois les étoiles. الله أعلم المسافة entre nous et les étoiles dans ce bas monde. Fil Jannah, pour montrer la différence entre la place d'un croyant et d'un autre. Qala, litafaduli ma baynahum. C'est quoi qui a fait que ce croyant, il aura une place beaucoup plus élevée qu'un autre? Matalan, a'la ad-darajat fil Jannah, c'est le Firdaus. Certains seront fil Firdaus. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, niyaj'alana minhum. D'autres ils seront plus bas, d'autres encore plus bas, d'autres au premier degré. C'est quoi qui fait cette différence, ou plutôt c'est quoi la cause de cette différence? قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce degré élevé, cette place très très élevée, est-ce que c'est réservé au prophète? قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. C'est pas réservé qu'aux prophètes là. C'est réservé qu'à ذلك, ceux qui atteindront ce niveau, c'est رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. On peut se poser une question, hein? Même ceux qui ont un degré plus bas, كذلك آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لماذا؟ لأنه ça serait pas des croyants sinon. لكن ce hadith c'est un délil. حتى في هذا الإيمان بالله وبالرسل il y a un tafadul bayna al-mu'minin. Ils ne sont pas tous au même degré. La preuve, c'est que certains, ils ont ce iman. Et d'autres, ils l'ont. Lakin, vu qu'ils ont un iman plus fort, ils seront beaucoup plus élevés. Et la preuve qu'ils ont un iman plus fort, fi al-iman billah wa al-rusul, la preuve, c'est leurs œuvres, la mise en application. Ils font beaucoup plus de sacrifices. Ils patientent beaucoup plus. Enfin, la différence, c'est tu la vois plutôt, kathiran fi al-a'mal. قال رحمه الله الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد كما سيتي أن باتباج. قال وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم. Ne pas comprendre que l'Iman بالله وبالرسل فقط c'est dans le cœur. Même dans le cœur, il peut avoir un tafaout ou la shak, il peut avoir une différence. Dans son Iman, il est beaucoup plus fort qu'un autre. وهكذا في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم. Leur iman billah wa bi rusul, ça pousse à Oula al-Mu'minun à faire beaucoup de sacrifices, à obéir, à se soumettre, à essayer de ressembler à leur prophète, leur modèle, alayhi salatu wassalam. قال وفي كمال طاعتهم لله ولرسله فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. وهكذا هنا il a fait le lien entre l'iman qui est dans le cœur et les actes des membres. لأن هؤلاء leur iman بالله وتصديقهم للمرسلين. Ça a été la cause أنهم ils ont atteint les hauts degrés au paradis. لا شك أن هذا الإيمان وهذا التصديق سالز أبوسيا أوري. لماذا؟ لأن هذا الإيمان كي فوندي سور المحبة واليقين والإخلاص لا شك سابوس سو كرويان أ أوبيير أو كوموندمون الله سبحانه وتعالى. قال وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة. C'était dans ce verset. الإيمان بالله, الإيمان بما أنزل إلينا, أي القرآن, وما أنزل إلى إبراهيم, أي les autres livres, إلى آخره. قال فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. Ça c'est من إيمان المؤمنين. On croit en tous les livres que Allah il a révélé. أما les livres qui sont présents الآن, التوراة والإنجيل, ils ont été déformés. لكن نؤمن نحن بما أنزله الله, أن الله سبحانه وتعالى il a révélé un livre. Et c'est les ennemis de Moussa et de Isa et les ennemis d'Allah Azzawajal qui ont déformé ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute, il avait descendu un livre pour Ha'oula. Qala wa bi kulli rasul arsalahu Allah. Al-mu'min, il croit en tous les prophètes, tous les messagers. Prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, bien sûr, Moussa wa Isa wa Ibrahim, etc. alayhim as-salatu wassalam. Celui qui ne croit pas en un messager ou un prophète, kafar. كفر كذبت قوم نوح المرسلين. العلماء يقولون ان نوح قوم نوح ils ont reçu qu'un messager, le premier Nuh alayhi salat salam. Il n'y avait pas d'autres messagers à part lui. مع هذا حكم الله عليهم بالكفر كفر الجميع. كذبت قوم نوح المرسلين. Pourquoi? لان celui qui ne croit pas en un messager, il a mécru en tous les messagers. فلهذا لا يوجد aucun doute يا إخوان, ولا تغتروا بدعوات أهل الباطل والإلحاد à notre époque. N'ayez aucun doute, n'ayez aucun doute أن اليهود والنصارى, les juifs, les chrétiens, c'est des kafars. Et نسأل الله العافية, تتعجب de ceux qui prétendent أنهم c'est des croyants. Des croyants en quoi? كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ils ne croient pas en notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم. كفروا بالقرآن. Ils ne croient pas au Coran. كذلك ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. هذا الشرك واضح صريح. كم من جرائم. Sans parler de tout ce qu'ils font من ضلال etc. لكن dans les fondements de l'iman ils se sont égarés. قال رحمه الله فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون. تأملوا وديبي دو فيرسيه قال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم etc. Ça c'est les fondements que Cheikh Saadi l'a cité précédemment. الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل etc. هنا certains fondements ils sont cités, الإيمان بالله, الإيمان بالكتب, بالرسل. ثم قال عز وجل à la fin ونحن له مسلمون. Ça c'est le lien entre الإيمان qui est dans le cœur et l'iman avec la langue et avec les membres. Aïe, si tu crois vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il a révélé à ses prophètes, et tu ne fais aucune différence entre ces prophètes, aïe min haith l'iman, tu crois que Allah il a envoyé des prophètes, fasse soumets-toi et obéis à ces prophètes et obéis à Allah azza wa jal. Ça nous montre que l'iman c'est dans le cœur, kadalik c'est dans la langue, kadalik c'est dans les membres. قال عز وجل ونحن له مسلمون. كذلك si on revient au hadith précédent, رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين لا شك أنهم آمنوا. Et ce iman, ça implique la soumission. Et la soumission, c'est al-amal, c'est la mise en pratique. قال رحمه الله كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك فقال آمن الرسول, أي في آخر سورة, سورة البقرة, قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله وإليك المصير, أنطق أصل عظيم من أصول الإيمان, إليك المصير أي سعت وكنو غطونه, أي الإيمان بيوم القيامة, الإيمان بالبعث والنشور, الإيمان بالحساب, الإيمان بالجنة والنار. فسي كخوايان يزون سو إيمان, سيت كخوايانس أنهم يغطونه أبخد الله سبحانه وتعالى. قال فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا. Ça nous montre quoi? Ça nous montre كذلك أن الإيمان c'est une croyance dans le cœur, اليقين الإخلاص الصدق, être véridique dans cette croyance, et كذلك c'est une soumission. فلهذا الله سبحانه وتعالى il a cité بعض هذه الأصول, آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, ثم قال عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا. السمع ناس السمع الإذعان والقبول, c'est pas مجرد السمع, كم من الناس ils entendent ils ne mettent pas en application, ils entendent et ça pénètre pas dans leur cœur. Là on a c'est pas سماع الأذن فقط, c'est سماع الأذن et قبول القلب. فهؤلاء ils ont écouté, ils ont accepté, ils ont mis en application. هكذا حال المؤمن, il entend, il écoute, أي ما يتعلق بالإيمان والأخبار qui sont citées في الكتاب وفي السنة, il accepte et il obéit, il met en application. C'est ça l'Iman, قول وعمل واعتقاد. Et تأملوا أن قوله عز وجل سمعنا وأطعنا, on le répète, c'est cité juste après أركان الإيمان. أركان الإيمان, il manque, قد يقول قائل إيمانك الإيمان بالقدر, أهل العلم يقولون أن الإيمان بالقدر سعنت في الإيمان بالله, لأن من الإيمان بالله أنه il sait tout, il a tout créé, tout ce qui se passe c'est qu'il a voulu عز وجل. Et كذلك أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé العباد, أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé القلم, il lui a dit اكتب, tout ça ça fait partie de l'إيمان بالله. Donc الإيمان بالقدر quand il n'est pas cité dans un verset, les autres أصول sont cités, les autres fondements sont cités, يعلم أنه سعنت في الإيمان بالله. قال رحمه الله بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان. هذه فيها فائدة عظيمة, أن المؤمن مهما اجتهد malgré les efforts malgré la bonne intention, المؤمن il n'est pas infaillible. Bel, il est faillible. Il peut se tromper. Il peut avoir un manquement. Même un mu'min qui a un iman qawi. فلا تستغرب زلة أو معصية. Il peut fauter, il peut glisser, il peut pécher. فلهذا قال الله عز وجل en citant أوصاف هؤلاء المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. هذه هي فائدة عظيمة, أن même si tu te trompes, même si tu as des manquements, même si tu glisses, même si tu as fauté, même un égarement, n'oublie pas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghafour et c'est le rahim. Demande-lui qu'il te pardonne. Et ne désespère surtout pas. كذلك قوله ربنا إليك المصير, une autre faïda عظيمة. Vous avez remarqué que قوله ربنا وإليك المصير, c'est cité juste après le ghafran. Aïe, anna parmi les choses qui aident le mu'min à regretter, à demander pardon, c'est se rappeler يوم القيامة. لماذا لأن si en tant que mu'min, on se rappelle souvent أن المصير إلى الله, أن الله سبحانه وتعالى nous interrogera, on aura des comptes à rendre, هذا ça va nous pousser à faire توبة. قال عز وجل غفرانك ربنا وإليك المصير. قال رحمه الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى من أتباع الأنبياء عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم. ما شاء الله. حتى dans ce verset أحيانا ربما on le lit لا نتأمل. On se précipite. Alors que في هذه الآية surtout quand c'est cité l'Iman, après avoir étudié ce livre Ya Ikhwan, ou pendant l'étude de ce livre, on s'habitue à, quand on lit Al-Qur'an, faqat un exemple par rapport à notre livre, illa, enfin, dans tous les versets, on doit prendre notre temps, on doit essayer de méditer. Lakin, cet exemple par rapport à notre livre, à chaque fois que dans un verset tu as l'Iman, fata'ammal wa tadabbar, tu trouveras beaucoup de fawa'id. ربنا آمنا بما أنزلت الإيمان بالكتب واتبعنا الرسول الإيمان بالرسل. Et vous avez remarqué que هنا ما قال عز وجل il a pas cité l'Iman, il a cité le fruit de l'Iman واتبعنا الرسول. Et là chaque année celui qui suit le رسول c'est que c'est un مؤمن بهذا الرسول خاصة s'il a l'Iman. ربنا آمنا, ils ont cru. Donc on fait sortir le groupe de munafiqun, des hypocrites. Fa amanu et tabu ar-rasul, fa leur iman, bien sûr, leur iman en Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe l'iman bil-rasul. La preuve, c'est que le fruit a été cité, tabu ar-rasul. Ça nous montre anna al-iman, et qawluhu rabbana amanna, c'est dans le cœur, et kadalik, c'est dans le suivi, dans la mise en application. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a cité le suivi et la mise en application juste après l'iman. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الإيمان ثم la mise en application ثم الدعاء. Exactement comme dans سورة البقرة. الإيمان قوله آمنا بالله وملائكته. La mise en application سمعنا وأطعنا ثم à la fin الدعاء غفرانك ربنا إليك المصير. هكذا شأن وحال المؤمن. Celui qui veut progresser dans son دين. Qu'il fasse des efforts في الإيمان. L'iman c'est lié au ilm. L'iman c'est lié au ilm. Pour avoir la conviction, croire en une chose, il faut la connaître. Kadalik l'iman, le fruit de l'iman c'est l'amal. Et kadalik n'oublie pas ad-du'a. Limada li'anna l'amal bil khawati. Et tu sais pas est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va accepter de toi hada l'amal amla. Tu sais pas est-ce que tu vas avoir la force d'être régulier fi hada l'iman amla. Tu ignores beaucoup de choses. Fa demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghufran. كذلك أن يكتبك من مع الشاهدين كذلك أن يوفقك etc. قال فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. فسنمتع أن الإيمان والعمل به من توفيق الله. فدمض الله سبحانه وتعالى لا تغتر بحالك. أنا tu sens que ta foi l'augmente, tu sens que tu mets en application. احذر من الغرور. En rabaissant tes frères mu'min qui ont des problèmes à mettre en application comme toi, qui ont des problèmes à apprendre, des manquements. Et hadhar min al-ghurur. Tu sais pas, celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé et il va guider jusqu'à sa mort. Ma tadri. Ça nous montre que al-mu'min al-muwaffaq la yaghtar bi nafsih, bal il demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. هذا الدرس درس مهم. On le récapitule أن الشيخ سعدي رحمه الله il a cité حد الإيمان أي تعريف الإيمان et son تفسير أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et il a insisté en citant des exemples sur أصول الإيمان. الإيمان بالله ses noms, ses attributs. الإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام بالكتب بالملائكة etc. ثم رحمه الله il a montré أن هذا الإيمان c'était la cause du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Kadhalik, il a fait une ishara an al-mu'minin dans l'iman, ils sont pas tous au même niveau. Et il a cité un exemple avec un verset et un hadith. Et hada, il a cité un bab khas. Il a cité un bab spécifique dans at-tafawut fil iman, la différence an al-iman il monte, il augmente, il diminue, etc. Thumma il a cité ces deux versets. Alors ce verset min sourate al-Baqara et min sourate Ali Imran pour montrer le lien entre al-Iman dans le cœur et al-Iman dans les paroles et dans et dans la mise en application. Enfin, نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.